sous la gâte à Bogota. Reste enfoiré, c'est moi là dans les quotas. Tous les Yankees de mon côté sont contents. Les éviscères l'été, hiver, le printemps. J'suis comme polonais, j'fais que des plaintants. Ramène de l'argent comptant sur un plateau. Plomo ou plata, Sébastien Garato. Neuf de département, on est des vrais charros. On a fait des plats phares pour pas finir charclos. J'me fais crever par l'équipe de Navarro. Quand je vais au Heps, j'ai pas décidé. Pour faire de l'argent, j'ai blâ les idées. Au deuxième étage, ça nous prend en photo. Siru, Hector, Berlioz, ça pique Cravateco. Des fois je fais du genre tout seul sur ma moto. J'ai que mon marron qui m'habite et mon couteau. Grosse moulaga, ta Bogota. Reste enfoiré, c'est moi là dans les quotas. Tous les Yankees de mon côté sont contents. Les éviscères l'été, hiver, le printemps. Grosse moulaga, ta Bogota. Reste enfoiré, c'est moi là dans les quotas. Tous les Yankees de mon côté sont contents. Tranquille, Kiki, Lougou, j'ai fait mon mélange. N'écoute les poucaves, tous ceux qui me dérangent. Tu te rappelles de nous comme les Yugo. Demande à Youla Moula, c'est 5 euros. Cinquième étage, le patin de Schlag. La tête et la bague, sont des têtes à queue. Arthena pique en Lutec nous a ratés. C'est nous les narrateurs, on fait pas de karaté. Tu nous connais déjà, protège ton thorax. On pourra pas te rater, dis puis joue la relax. Des fois je fais du genre tout seul sur ma moto. J'ai que mon marron qui m'habite et mon couteau. Grosse moulaga, ta Bogota. Reste enfoiré, c'est moi là dans les quotas. Tous les Yankees de mon côté sont contents. Les éviscères l'été, hiver, le printemps. Grosse moulaga, ta Bogota. Reste enfoiré, c'est moi là dans les quotas. Tous les Yankees de mon côté sont contents.